tête de con, ça je te le concède, alors que dans le fond, je suis qu'un petit ped. Avec mon look, dont je suis fier, on me prend pour un pouc, mais ça m'indiffère. Je me consume en orgueil, me gaspille en prétention, m'abrutis à vue d'œil et me perds en illusion. Je suis imbu de moi-même, tant pis pour ceux que ça gêne. Un petit m'as-tu vu, et tu m'auras reconnu. En bas du dos, juste au-dessus du derche, s'offrant comme un cadeau à tous ceux qui me cherchent. Je me sais objet de convoitise, bien que faisant loisir, une petite princesse qui sait jouer de ses fesses. La séduction est mon credo qui flatte mon ego, mais sans mon fion, je suis rien, pas grand chose sans mes seins. Ma famille pour Noël a déjà sa dinde, il y en a nul autre pareil, je suis la reine des dingues. Casquette, huissée sur la tête, je me la pète, bien que j'ai l'air bête. Je suis un petit Joe Star à la tête de Lascar, futur con en herbe sur lequel on gerbe. Je me la joue gangsta rap, du genre petite frappe, mais dès qu'on chute pas, et plus ça va, plus ça se gâte. J'ai envie dans les rues, une fois la nuit venue, je joue les bad boys, mais je suis qu'un guignol. My name is TDC. Conneries, mon pays ânerie, mon royaume futilité, mon territoire débilité. Mon intelligence est sur le déclin, et ma raison dans le pétrin.